Exercice 3, page 143. A. Qu'est, guet. B. Coûte, goûte. C. Bac, bague. D. Manque, mangue. E. Oncle, ongle. F. Cri, gris.